Elle s'est fondée sur l'esprit de liberté. Elle n'était pas sur elle, les traités déjà signés. L'élite est entrée sans prévenir. Devant ce char d'assaut, vous n'aviez que des idées. Or pour son amitié, proclame vos slogans. Amitié en ferment des gens nommés dissidents. Elle fut scandalisée en voyant ce génocide. Elle l'a combattu et vaincu, quel homicide. La seule leçon qu'elle ait su en tirer, c'est de financer des états policiers. L'élite est entrée sans prévenir. Devant ce char d'assaut, vous l'avez de vos idées. Renforçons l'amitié, proclame mon slogan. L'amitié en paiement du genre nommé dissident, dissident, dissident, dissident. Elle se dit l'élite. Amitié en ferment des gens nommés dissidents.